14:44, exercice test, présent, imparfait. Déterminez si les phrases que vous entendez sont au présent ou au passé, à l'imparfait. Cochez la case qui convient. 1. Vous venez? 2. Elle est très gentille, bien. 3. Elle était gentille. 4. Il aimait la France. 5. C'était la première fois. 6. Sa mère est remariée. 7. Vous compreniez? 8. Il a de la chance. 9. C'est combien le café? 10. Il avait 7 ou 8 ans? 11. Qu'est-ce qui se passait? 12. Il venait souvent.